On va parler de baseball. On a parlé avec Frédéric Daigle de la presse canadienne, faire un peu le bilan des deux jours. Là, maintenant, on va parler avec un gars qui a été honoré. Puis, moi, on t'a dit qu'il méritait. Tant qu'à moi, ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. C'est Monsieur Expo, Jacques Doucet. Salut, Jacques. Salut, Danny. Jacques, 25 000 personnes qui t'applaudissent. J'étais vraiment content pour toi parce qu'à quelque part, tu le méritais. C'est quelque chose que. T'es Monsieur Expo, en fait, là. Mais. Qu'est-ce que ça fait quand tu as 25 000 personnes qui t'applaudissent et qui vraiment te remercient pour ce que tu as fait, là, en fait? Là. Ça n'avait presque aucun sens. Écoute, comme j'expliquais à Roger, les joueurs de baseball ou les athlètes sont habitués de fouler le plancher du stade et qu'il y ait 25 ou 30 000 personnes qui vont les applaudir. Les athlètes professionnels sont habitués à ça. Mm. Mais pour un commentateur sportif, moi, c'était une première dans ma carrière, là. Ouais. Et puis, c'est quand j'ai vu, les anciens joueurs des Expos, ils étaient présentés les premiers, puis après, moi, j'étais le dernier qui était là, parce que Philippe aurait été possiblement après moi, mais Philippe pouvait difficilement marcher, alors il était toujours dans l'abri des joueurs, lui. Puis okay. Après, il s'est emmené avec le petit golf cart, là. Ouais. Fait que moi, quand j'ai vu ceux qui m'ont précédé, il y avait Claude Raymond tout juste avant moi, mais Larry Walker avant. OK. Quand Larry a été annoncé, lui, il est parti en courant. Ouais. Puis là, j'ai vu Claude qui emboîtait le pas après, qui s'est mis à courir lui aussi. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, t'as pas droit, je peux pas marcher, moi, il va falloir que je cours aussi. Puis là, tu pars, puis avec tous les effets qu'il y avait, là, il y avait de la boucane là-dedans. Là, ouais, ouais. Attends, tu voyais pas où tu marchais. Ouais. Alors, j'avais vraiment peur de trébucher. J'aurais eu de l'info devant 25 000 personnes, mais pour être à terre. Non, mais c'est vraiment, écoute, je pense que tu le méritais. Il y en a un qui a dit ce matin, t'es le Vince Scully québécois. Puis, mettons qu'il n'y a pas tort, le gars, là. Ben, écoute, c'est tout un honneur qu'on compare Vince Scully. Écoute, ça me fait toujours un chaud au cœur quand les gars disent, ben, Jacques Doucet, c'est le René Le Cavalier du baseball. Ouais. À cause de mon apport francophone, c'est au terme français du sport, c'est là, puis René Le Cavalier était mon idole dans le temps que, c'est qu'il a francisé vraiment le hockey. Ouais. Moi, tu sais, il y avait une maudite bonne base quand j'ai commencé en 72, là, mais même en 69. À faire un peu de radio avec les Expos. Ouais. Y avait une bonne base qu'on avait jetée parce que, écoute, il y avait eu du baseball en français avec les Royaux, tu sais, dans les années 50 et 60, là, parce qu'en 52, quand la télévision est arrivée au Québec, une des premières émissions qu'il y a eu, à la télé française, ça a été un match de baseball des Royaux. Ça, c'était avec René Le Cavalier puis un certain. Non, c'est-à-dire qu'il y avait René Le Cavalier, mais. Il y a eu également à la radio des gars comme Michel Normandin, Pierre Trudel, il y avait une base de français. OK, OK. Dis-moi. Avec Claude Raymond, on a travaillé beaucoup fort là-dessus, puis avec les gars de Radio-Canada et tout. Moi, je me souviens que j'avais eu une petite guerre avec Radio-Canada parce que eux, ils voulaient pas utiliser Arrêt-Court pour shortstop, ils voulaient dire l'Inter. OK. Et monsieur. Moi, je disais l'Inter, là. Terrain de baseball, c'est le voltigeur de centre. Ouais. Il est entre le gauche et la droite. Ouais, mais le joueur d'arrêt-court, là, on aurait pu aussi bien l'appeler le joueur de deuxième but, parce que le joueur de deuxième but et l'arrêt-court, ils ont un coussin qui est commun, c'est le deuxième coussin. Ouais. Alors, c'est pour ça que les gens connaissaient l'expression arrêt-court. C'est une traduction littérale, tu vas me dire, mais, tu sais, c'est ancré dans nos mœurs, pourquoi changer? C'était pas un anglicisme, là. C'est sûr. Alors, tu sais, on a utilisé ça, mais les gens de Radio-Canada souvent m'appelaient et disaient, Jacques, pourquoi tu peux pas dire Inter? Puis là, je les expliquais. Ils disaient, ben oui, mais embarque donc dans le bateau. Ils disaient, non, moi, j'embarque pas. Jacques, moi, j'ai un système que je peux avoir je peux avoir accès aux matchs de baseball de la LMB en France. Je peux te dire que c'est très drôle. Ben d'ailleurs, c'est très très drôle. Amis, moi, c'est oui. Père, qui était un Français qui avait immigré au Canada et qui est tombé en amour avec le baseball. OK. Et puis qui correspond souvent avec moi. Puis là, j'ai vu passer un courriel avec Alain Huzo, puis il disait, ça n'a pas de bon sens, envoyez-moi l'affaire de Jacques, tu sais. Mm-hmm. Puis il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, les Français sont têtus, ils veulent rien savoir. Ils veulent tenir, ils tiennent à leur batting cage, puis à leur deuxième base, puis toutes ces choses-là. Mais c'est anglicisé, c'est pas juste le baseball. Tu regardes, ben oui. Leur manière de parler. Beaucoup d'anglicisme. Beaucoup d'anglicisme. Puis écoute, le baseball, écoute, si la langue française est en France est anglicisée, j'imagine tout le baseball. Là. Ben oui. Tu sais, c'est... Nous autres, on a fait de l'effort, puis les autres, ils le font pas. Ah non, non, regarde, je peux dire, Jacques, que c'est très, très drôle. À un moment donné, je t'enverrai quelque chose par web. Parce que moi, je sais pas si tu le connais, mais Denis Cabana, qui est un petit peu la voix du baseball à Granby, au stade Napoléon Fontaine. C'est un nom qui me dit quelque chose. Et puis, Denis, il y a des amis en France, puis il avait été passé... un mois, je pense, en France, en quelque part. Puis, il y a quelqu'un, dans la région où il était, il y avait un tournoi de baseball, un tournoi national ou régional qui avait lieu. Alors, son copain de France, il l'a amené au baseball, puis il l'a présenté aux organisateurs. Puis là, tant qu'ils ont appris que Denis était l'annonceur maison à Granby, parce qu'il y a des joueurs de France qui avaient joué à Granby avec les Guerriers, dans la Ligue junior élite. Alors, ils ont demandé à Denis d'aller annoncer. Mm. Mais Denis, lui, a annoncé comme il le faisait ici. Puis là, les gens, ils regardaient, puis c'est quoi ça? Ouais. Puis là, quand ça a été terminé, Denis, il dit, écoutez, mon chum, Jacques Doucet, il a fait le glossaire des thèmes français qu'on utilise au baseball. Puis il dit, quand je vais retourner chez moi, je vais lui demander qu'il me le donne, puis je vais vous l'envoyer. Il l'a envoyé, mais je ne sais pas s'ils l'ont utilisé. Non, non. En tout cas, à un moment donné, je t'enverrai quelque chose juste pour voir une capture d'écran de BIN, parce que c'est BIN qui fait les matchs en France de la LNB. Je peux te dire que c'est très drôle. Jacques, j'ai parlé avec Frédéric Degg du côté de l'aspect de baseball. Toi, tu retiens quoi de ces deux matchs-là? Ben, écoute, c'est deux matchs. Écoute, puis... pour nous, c'est important ici parce que c'est le lien qu'on a avec le passé. Ouais. Mais pour les Blue Jays, pour les Brewers, que ce soit les Brewers, que ce soit les Red Sox, n'importe quoi, ça veut rien dire. C'est deux matchs hors concours. Ouais. C'est ça le. Et puis, on veut pas utiliser souvent ses meilleurs joueurs trop longtemps. On a peur qu'ils se blessent. Et puis, mais ils sont heureux de venir ici parce que contrairement à ce qui arrive au camp d'entraînement dans leur patelin, la plupart des clubs ont des stades qui vont accueillir peut-être 7 000, 8 000 personnes maximum. Ouais. Puis là, ils arrivaient ici, puis surtout, avant les deux dernières années, tu sais, on avait 50 000 personnes dans le stade. Ouais. Alors, tu sais, c'est une expérience extraordinaire, ça les motive davantage. Mais, depuis 2 ans, on a moins de monde, ben pour la simple raison, d'abord que... Les gars des régions comme moi peuvent plus y aller. Mais c'est pas juste ça, c'est que ça a lieu un samedi, un lundi, puis un mardi. Ouais. Alors, les enfants sont encore à l'école. Puis souvent, on est dans la saison de hockey. Et puis, tu sais, avant, quand c'était le vendredi soir puis le samedi soir, ben tu sais, c'était un week-end, c'était plus facile pour les parents d'arriver avec des enfants puis se coucher un peu plus tard. Ouais. Mais là, tu sais, comme hier, là, on était un petit peu en lutte avec le Canadien qui jouait contre les Panthers au Centre Bell. Ouais. Alors, tu sais, tu peux pas demander aux gars d'être aux deux endroits, là. Effectivement. Puis, mais ça va arriver éventuellement dans le retour des expos, là. Mais ça, mais c'est pas la même chose. Oui, ça va être notre équipe, premièrement. Ben, notre équipe, puis je veux dire, on va avoir beaucoup de matchs qui vont avoir lieu à l'étranger au début de la saison aussi. Oh oui. Puis ça va être notre équipe aussi, Jacques. Là. Exactement, ça fait un monde de différence. Ça fait, mais tu sais, si on a un stade de 35 000 personnes, puis que même si Canadiens jouent, qu'ils jouent soit à la télé ou à domicile ici, là, puis tu mets 25 000 personnes dans le stade de 30 000, là. Ouais. Il n'y a personne qui va plaindre, qui va dire qu'il n'y a personne là. Non, non, non. C'est ton verre, il était au trois quarts plein. Puis même, tu regardes ça, genre, les assistances qui est arrivées. Les assistances, il était troisième hier, lundi, Montréal, derrière là, un match entre les Dodgers et les Angels. Et derrière un match, je pense, Fred l'a dit tantôt, les matchs entre les Giants et les Oakland également. Fait que bon. C'est sûr que quelque part, c'est quand même pas mauvais. Puis c'est leur équipe aussi. Il faut toujours en revenir à l'histoire. C'est leur équipe. Pas, oui. C'est pas pareil du tout. Du tout. T'as entièrement raison. Moi, là, ce que je retiens le plus, Jacques, de ça, c'est Buster Olney. Tu sais qui est Buster Olney de ESPN? Qui a dit que ce serait fait, que Montréal aurait une équipe, ce serait une équipe d'expansion. Il resterait à déterminer la deuxième équipe maintenant. Puis à voir les mais choses. Mais ça, je sais pas. Ouais. L'équipe d'expansion, je ne sais pas. OK. Buster Olney est quand même un insider, quand même assez... Oui, mais moi, j'ai l'impression que... Écoute, on va prendre l'équipe d'expansion au lieu d'aucune équipe. Là. Ouais. Mais c'est parce que si jamais c'est un déménagement, tu facilites la tâche à beaucoup de monde parce que c'est une équipe d'expansion. Il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu formes un conseil d'administration. Il faut que tu ailles te chercher un gérant, un directeur gérant. Ah ouais. Des instructeurs. Il faut que tu ailles te chercher des gérants dans le club pour les filiales, des instructeurs pour le club des filiales. Il faut que tu trouves des villes qui vont accepter une équipe pour tes filiales. Tu sais, tu commences à zéro, là. Comme on l'a fait en 68. Ça, c'est de la grosse ouvrage. Ben non, effectivement. Mais moi, puis c'est pas juste ça, les Rays n'atteignent pas. Écoute, si c'est les Rays... Moi, je dis souvent, la clé, ça va être de bien payer leurs recruteurs, leurs dépisteurs, leur programme de développement, parce qu'eux autres, ils ont une organisation incroyable. Et année après année, là, ils sont deuxième, troisième, quatrième dans les réseaux des filiales. La clé, ça va passer par là. Moi, je pense que les dépisteurs, il va falloir tous les garder. Comme on a eu de très bons en 68. Ouais. Ouais. Ça, je m'en rappelle pas. Le réseau de filiales que les expos ont bâti et qui regorgeait de talent, c'est à cause des dépisteurs. Ouais. C'est là que ça commence. Oui, effectivement. Moi, je me rappelle plus à l'époque de Walker, de Grissom, quand il était des mineurs. Tu sais, t'avais un gars qui s'appelait Fred Ferreira. Qui était un pilier, là. Qui était un des piliers. C'est là que ça passe, hein, effectivement. Les Blue Jays sur le terrain. Écoute, tu t'attends à quoi? Troisième, quatrième? Quatrième? Moi, je les vois quatrième, moi. Ben, pas possiblement, oui. Je pense pas qu'ils soient. Je pense pas qu'ils soient troisième, là. Non. À moins qu'il y ait des choses extraordinaires qui se produisent, t'sais. Dans le moment, moi, j'ai assez confiance à leur personnel de lanceurs partants. Avec Strowman et. Il va être échangé. J'ai l'impression qu'il va être échangé, par exemple. Pardon? J'ai l'impression qu'il peut être échangé. Il y a des rumeurs que ça qui pourrait être échangé durant la saison. Ah, ben, écoute, il y a des rumeurs qui ont commencé l'année passée. Ouais. Mais dans le moment, je pense pas qu'ils sont intéressés à l'échanger, à moins qu'ils commencent très mal la saison, parce que c'est un excellent lanceur tant qu'il est en santé, puis Sanchez aussi. Puis on est allé chercher des gars comme Schumacher et... Richard. Alors, tu sais, on est allé chercher des vétérans pour combler, tu sais, les postes de surtout quatrième et cinquième partant. Et on a des jeunes qui poussent, qui dans un an ou deux vont être prêts à assurer la relève. Mais moi, mon gros point d'interrogation dans le moment, c'est au niveau de la relève. Okay. Parce qu'avec Giles, le jeune gaucher Meza et Biagini, qui a connu un camp d'entraînement exceptionnel, là, ben, t'en as trois sur cinq. Mais les autres, là, ben, tu sais, il y a des vétérans, là. Bud Norris, puis ils sont allés chercher un nommé Thornton. Giles n'a pas été mauvais l'année passée. Qui? Impeccable dans les situations de sauvetage. Ouais. Mais c'est lorsqu'il s'en va au monticule, puis qu'il a 5 points d'avance, c'est là qu'il n'est pas à son meilleur. Mais quand que l'issue de la rencontre est ça à ligne, il y a autant avec. Son ancienne équipe qu'avec les Blue Jays. Je pense qu'il est 31-31 l'année passée. Alors, t'as absolument rien à lui reprocher, là. Ouais. Mais il y a des éléments qui manquent encore. Parce que là, Tepera, il m'a donné Paul. Alors, tu sais, il y a des éléments qui manquent présentement. Et on sait qu'en début de saison, c'est très rare que tu sois demandé à ton lanceur partant d'aller au-delà de 5 manches. Ouais. Alors, tu as besoin de la relève. C'est pour ça que peut-être qu'ils vont avoir peut-être tes 5 partants, puis peut-être 7 releveurs, sinon vite. Mais ça, ce qui te complique la vie cette année, par exemple, c'est que tu peux pas utiliser trois lanceurs de relève ou trois frappeurs. Oui, à cause du règlement. Oui, faut que le gars il fasse, à moins que ce soit le dernier retrait de la manche, faut qu'il affronte au moins trois frappeurs. Oui, effectivement. Jacques, Vladimir, on va le voir à côté du 20 avril à peu près? Ah, ben ça, on va voir. Là, il a recommencé, ouais, d'après ce que le gérant des Blue Jays m'a dit, il avait recommencé à s'élancer, pas de toutes ses forces encore, là, mais il a recommencé à s'élancer. Ça veut dire que, possiblement, en début de semaine, il va participer à des matchs, soit en Floride ou avec les... Ça va dépendre si les... À Buffalo, ils commencent la saison à domicile ou dans un secteur qui est un peu plus chaud, là. Ouais. Alors, on va peut-être le laisser en Floride encore pendant peut-être une semaine pour s'assurer qu'il soit entièrement guéri. Et puis après le 15 avril, si on voit qu'il a retrouvé tous ses moyens, ben à ce moment-là, son rappel à Toronto, ça sera pas long. Alors, c'est clair, net et précis que ça sera pas long. Jacques, félicitations encore une fois. Pas mal, c'est bien gentil. Pas mal intéressant, Monsieur Expo, comme qu'on pourrait dire. Et au plaisir de se parler durant la saison. Ça commence, TVA Sport, les deux matchs ont fait. Le prochain match, c'est quand, les Blue Jays? Dimanche. Le dernier match de la série de quatre contre les Tigers de Détroit. Puis par la suite. Mais comme d'habitude, là, en avril, il n'y aura pas beaucoup de matchs. Je pense qu'on fait le 31. Après, on fait le 7 avril. On va avoir un programme double le 23. Ça va être les seuls matchs des Blue Jays à l'antenne de TVA Sport en avril, parce que le hockey prend toute la place. Le programme double, il y a aussi des matchs de la LNB, j'imagine, aussi. Oui, aussi. Effectivement. Ouais. Jacques, gros merci, félicitations encore une fois, puis au plaisir de se parler. À la prochaine, Denis. Collaborateur Jacques.